Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, James Bond, agent au service secret de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, icône pop et glamour, à la fois sexy et bagarreur, invariable défenseur de la démocratie occidentale contre les dictateurs d'opérette, prêt à tout pour dominer le monde. 25 films, 28 d'ailleurs si l'on compte les trois versions non officielles qui ont été réalisées, c'est avant tout James Bond, une machine à cash étourdissante. 15 milliards de dollars engrangés entre le premier épisode de la saga, James Bond contre Dr. No, et le dernier en date, 007 Spectre, en attendant le prochain volet, mourir peut attendre. Mais pas l'argent, car le box-office de James Bond est si puissant qu'il laisse loin derrière d'autres séries à succès comme Star Wars ou Harry Potter. Mais ce que l'on oublie parfois, c'est que derrière les films, il y a d'abord un auteur de romans, Ian Fleming, qui quelques années après la guerre, inventera le personnage de James Bond. 12 romans au compteur. Le succès phénoménal viendra couronner cette épopée pleine de bruit et de fureur, de coups de feu, de dur à cuire, de gadgets dernier cri, de sueur froide et d'étreintes passionnées. Mais qui se cache derrière ce personnage de James Bond? Quelle est l'histoire derrière l'histoire? Bienvenue dans les coulisses d'un succès hors norme. Notre invité aujourd'hui, Christian Destrebeau, qui vient de publier une biographie de Ian Fleming. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Vincent Lebrun, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Nous sommes en 1952, dans la demeure qu'occupe Ian Fleming en Jamaïque, au bord de la mer. La grande maison, un peu spartiate, dont il a conçu les plans, s'appelle GoldenEye. Le futur écrivain est à sa table de travail, rêvassant devant sa machine à écrire. Tour à tour, journaliste, agent de change, directeur de cabinet à l'Amirauté britannique, où il a servi de coordinateur d'infiltration et d'agent de liaison pendant la Seconde Guerre mondiale, Fleming a 44 ans. En 52, et les ficelles de l'espionnage n'ont plus de secret pour lui. Profitant d'un temps libre chèrement acquis, il décide de se mettre à l'écriture. Et pour trouver l'inspiration, il pioche allègrement dans la grande bibliothèque qui tapisse l'une des pièces de sa maison. Et un jour, il tombe, par hasard, comme souvent, sur une nouvelle de Kipling dont les personnages sont des locomotives à vapeur. Fleming est surtout intrigué par le titre de la nouvelle, 007. Ce matricule, donné à l'une des locomotives, résonne agréablement aux oreilles du futur écrivain. Sans une autre série d'ouvrages, Fleming s'intéresse à un livre ornithologique sur les oiseaux des Antilles. Le nom de l'auteur, James Bond, oui, et il n'en faut pas plus à Fleming pour rapprocher les deux noms et pour que naisse dans son esprit l'idée d'un personnage qui pourrait faire l'objet d'une série de livres s'appuyant sur son passé d'espion. James Bond, l'agent 007, est né. Il s'agit maintenant de lui donner vie. Bon baiser de Russie. Elle danse pour lui. Elle se pâme pour lui. Il meurt pour lui. De Zagreb à Belgrade. De Vienne à Istanbul. De Paris à Londres. L'agent 007 se ferait un chemin unique à travers les palaces et les boudoirs de l'espionnage. Oh, James, tu me fais mal. Oui, là, tu en verras d'autres si tu n'avoues pas. Tu as fait tout ça sur ordre, je le sais. Quels sont-ils? Hein? Tu peux me tuer, James. Je ne dirai rien. Fleming se remet à sa table de travail, avec des vues imprenables sur la mer, et en quelques semaines, il écrit la première des aventures de son agent secret. Et bien sûr, il est loin d'imaginer, à ce moment-là, qu'il remportera le succès que l'on sait. Né le 28 mai 1908, Ian Lancaster Fleming grandit dans une famille au train de vie opulent, donc longues études et niveau de vie confortable. Alors que Fleming est très jeune, son père meurt durant la Première Guerre. Il fréquente des écoles renommées comme le prestigieux collège pour garçons Eton et l'Académie royale militaire de Sandhurst et poursuit son apprentissage dans les universités de Munich et de Genève. Il y apprend l'allemand, le français, le russe, passablement dilettante, ce que lui reproche sa mère. Il change plusieurs fois d'orientation, commençant dans le journalisme, devenant ensuite agent de change avant d'être recruté par les services secrets britanniques. C'est en 1939 qu'il est approché par le directeur du département britannique de la Royal Navy. À la veille de la guerre, les facilités de Fleming avec les langues représentent un réel atout pour l'armée. Bien noté par sa hiérarchie, le jeune homme va gravir facilement les échelons. Dans un premier temps lieutenant, il est vite promu commandant, ce qui lui permet de mettre au point des plans pour contrer les avancées de l'Allemagne nazie. L'un de ses projets, nommé Opération Sans Pitié, consiste à voler les codes de la machine Enigma. Cette dernière, réputée inviolable, permet aux nazis d'échanger des informations concernant les opérations en cours au moyen de messages secrets qui changent tous les jours. Pour mener l'opération à son terme, Fleming échafaude un plan qu'il détaillera en quatre points. 1. Obtenir un bombardier allemand qui a été capturé. 2. Sélectionner un équipage particulièrement fiable qui parle parfaitement allemand. Fournir aux hommes de cet équipage des uniformes de la Luftwaffe. 3. Faire amerrir l'avion prétendument touché au cours des combats dans la Manche, après avoir envoyé un SOS à l'unité de sauvetage en mer allemande. 4. Une fois les hommes de l'appareil récupérés par la vedette, tuer l'équipage allemand de cette dernière et la ramener dans un port anglais avec à son bord un exemplaire de l'Enigma. Et cette tentative de mettre la main sur la machine de codage allemand sera finalement annulée. Toujours est-il que pointe l'intérêt de Fleming pour fabriquer des scénarios d'espionnage. En tout cas, il ne se laisse pas abattre. Il va monter une autre opération de grande envergure intitulée GoldenEye. Ce plan d'opération stratégique, dont il va être la tête pensante, vise pour les Alliés à conserver le contrôle militaire du détroit de Gibraltar en cas de coalition entre l'Espagne du général Franco et l'Allemagne d'Adolf Hitler. Il consiste à surveiller l'Espagne et à organiser différents sabotages. À l'occasion de cette opération, Fleming collabore avec divers agents dont certains appartiennent à l'OSS, l'Office of Strategic Services, qui deviendra la CIA en 1947. L'opération prendra fin de manière victorieuse en août 1943 avec la fin de la menace d'alliance entre l'Espagne et les nazis. Parmi les agents que Fleming croise durant ses missions figurent quelques futurs modèles de James Bond. Mais le plus proche de 007, c'est probablement Wilfried Dandedale. Membre de la Royal Navy, il a servi comme chef de bureau à Paris pour le SIS, le Secret Intelligence Service, l'autre nom du MI6 dans les années 30. Au moment d'écrire les aventures de 007, Fleming s'inspirera de la personnalité et du charisme de cet agent exceptionnel. Pour croquer le supérieur hiérarchique de Bond, le fameux M, il s'inspire de son propre référent pendant la guerre, oui, l'amiral John Godfrey. Pour la petite histoire, si Fleming donnera au supérieur de 007 le nom de M, c'est aussi un clin d'œil à sa propre mère, parce que c'est ainsi qu'il l'appelait. Et les rapports parfois orageux que l'agent secret entretient avec son supérieur hiérarchique renvoient précisément à ce que Fleming entretenait avec sa mère. Mais s'il ne devait y avoir qu'un modèle absolu qui inspirera Ian Fleming quelques années plus tard pour créer son personnage de James Bond, ce serait assurément Disco Popov. Ah, Popov, arrêtons-nous un instant sur cet espion. Ian Fleming fait sa connaissance en mai 1941 au Palácio de Estoril, proche de Lisbonne, la capitale du Portugal, qui est un pays neutre. La scène se passe dans la salle de jeu d'hôtel, le genre de lieu cosmopolite qui attire toute une faune de personnages ombrageux entièrement dédiés à la pratique du baccarat ou du poker. Foule supérieure. Aux as par les six. Monsieur Bond. Et 7 de pique. Une quinte flush au 8. La meilleure main. Parmi ses joueurs, Popov, d'origine yougoslave, il tape dans l'œil de Fleming. Le futur romancier est frappé par l'élégance de ce séducteur qui semble fait pour porter le smoking. L'homme est manifestement un dandy, un playboy. Fleming est également fasciné par sa désinvolture apparente alors que cet homme vit une vie dangereuse. Popov est en effet un agent double, ce que Fleming n'apprendra que bien plus tard. Travaillant officiellement pour l'Abwehr, les services de renseignement allemands, il transmet en fait toutes les informations qu'il peut collecter aux Anglais. Dans l'exercice de son métier, Popov a un nom de code, Tricycle. Ce surnom repose sur deux explications. Popov formait un trio avec deux autres agents doubles. Mais des langues espiègles prétendent que l'origine de ce surnom provient du fait qu'il lui arrivait de partager son lit avec deux créatures du sexe opposé. James Bond aurait apprécié. Popov aimait les plaisirs de la vie, les femmes, la bonne chère, le jeu. Mais chez lui, c'était aussi une sorte de couverture. Qui pouvait imaginer alors que ce séducteur raffiné et monde pouvait être aussi un redoutable agent secret? En quelque sorte, Popov professait un art du déguisement dont Bond saura lui aussi faire preuve plus tard. L'auteur y reviendra dans un entretien sur la fin de sa vie. Vous avez servi de modèle d'ailleurs à Fleming pour sa série de James Bond. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce héros? C'est pas moi, c'est vous qui avez reconnu, c'est la presse qui l'a reconnu. Si vous voulez, c'est Fleming qui, lorsqu'il a été attaqué par la presse britannique, pour prendre trop de liberté avec son James Bond, qui est un officier de renseignement britannique, Intelligence Service Officer, qui, pour se défendre, il a dit, mais non, attendez, j'ai pris comme modèle un vrai agent secret anglais. Et la presse a dit qui? Elle a dit, je peux pas vous dire le nom, mais son nom de guerre était Tricycle. Parmi les faits de gloire de Popov, que vous venez d'entendre, c'était bien Popov qui parlait. Les incroyables renseignements qu'il a glanés auprès des Allemands en tant qu'agent double sur le projet d'attaque de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, et s'il n'est empressé d'en faire part à Edgar Hoover, c'est bien par conscience patriotique, mais le chef du FBI ne l'a pas pris au sérieux. Et on connaît la suite. Popov aura plus de chance lorsqu'il apprendra que ses supérieurs de l'Abwehr, les rudiments d'un gadget hautement sophistiqué, le micro-point. Pratiquement indécelable dans une lettre, ce point sur un i pouvait dissimuler la micro-photographie de n'importe quel document secret. Cette technique, dont on trouve une trace à peu près analogue dans l'une des aventures de James Bond, Opération Tonnerre, eut cette fois beaucoup de succès auprès des Américains. À telle enseigne que Edgar Hoover, encore lui, en attribuera plus tard la paternité au FBI. Si Popov servira amplement de modèle à James Bond, il a lui-même ironisé beaucoup plus tard, déclarant « Je doute qu'un James Bond réel ait pu survivre plus de 48 heures ». Pour autant, Popov, contrairement à Bond, portait rarement une arme sur lui. Il n'en reste pas moins qu'il fut un agent exceptionnel. Le vrai James Bond est mort. L'homme qui avait servi de modèle à Ian Fleming s'appelait Dusko Popov. Il était d'origine yougoslave et avait été pendant la dernière guerre l'un des agents les plus efficaces des services secrets britanniques. C'est près de Grasse, où il avait pris sa retraite, qu'il s'est éteint à l'âge de 69 ans. Les années de journalisme, associées à toutes les rencontres effectuées par Fleming au cours de ses missions, vont alimenter la série James Bond qu'il commence à avoir déjà en tête alors que la Seconde Guerre mondiale se termine. Et un jour, il confie à l'un de ses amis. J'ai l'intention d'écrire le roman d'espionnage qui dépassera tous les autres. J'ai le savoir-faire et les connaissances, j'en ai l'expérience, et avec un peu de chance, je trouverai peut-être le temps, et je l'espère le talent, pour raconter une histoire et un éditeur pour l'offrir au public. Une fois l'armistice déclaré, les services secrets anglais proposent à Fleming de poursuivre leur collaboration. Mais l'auteur refuse et démissionne. C'est à ce moment-là que l'ex-espion s'exile en Jamaïque, loin de la grisaille londonienne. Il est venu en 1943 pour une conférence et a été séduit par l'endroit. Alors il fait construire, au nord de l'île, une maison au bord de la mer des Caraïbes. Coulant des jours paisibles dans sa nouvelle demeure, Fleming s'adonne notamment à la plongée sous-marine, sa passion. La faune aquatique le fascine. Il emmagasine un nombre colossal d'informations au sujet des locataires de la mer qui alimenteront plusieurs épisodes de Bond. Pour gagner un peu d'argent, il est chef de rubrique pour le Sunday Times et écrit des articles pour plusieurs revues. Et il commence à réfléchir sérieusement au roman qu'il rêve d'écrire. Mais pas question de raconter son ancienne vie d'espion. Il est tenu au secret, tout de même, concernant toutes les missions qu'il a effectuées. Puis, l'espionnage pur et dur, ce n'est pas très vendeur. Comme il l'expliquera en 1958 à l'écrivain Raymond Chandler. J'en ai connu un certain nombre. Et dans l'ensemble, ce sont des gens très discrets, pacifiques, sans distinction particulière. On les croise dans la rue sans les remarquer. Ils doivent en revanche avoir un très grand courage moral, car c'est un travail ennuyeux, personne ne les en remercie et ils ne sont jamais décorés. En 1952, Fleming épouse une Britannique mondaine, l'artiste Anne Charteris, qui a été déjà mariée deux fois. Anne et lui se connaissent depuis 1934, à l'époque où Fleming était agent de change. Elle est sa maîtresse en titre depuis 1946, même si les deux amants entretiennent des relations assez libres, sadomasochistes notamment, ce que semble confirmer une lettre qu'elle lui écrit en août 1947. Je dois avouer que j'ai adoré faire la cuisine pour toi et dormir à côté de toi et me faire fouetter par toi. J'espère que tu es bien rentré à la maison et que ta chienne noire te manque. Et je m'ennuie de toi, même si tu me fouettes, car j'adore que tu me fasses mal et que tu m'embrasses après. Oh, on croirait presque entendre un dialogue de James Bond. Mais Ian Fleming ne se satisfait pas de cette liaison flamboyante. Et s'ils resteront ensemble tout de même jusqu'à la mort de Fleming, les relations du couple seront globalement houleuses. Pour tromper l'ennui dans lequel le plonge son couple, Fleming se cherche un nouveau stimulant. Et ce stimulant, ce sera la littérature. Anne va l'encourager, en le forçant même à écrire. Elle ne goûte pourtant pas les aventures de Bond, qu'elle considère comme de la bande dessinée horrifique, voire des romans carrément pornographiques. Quand Fleming se met à sa table de travail pour écrire les premières phrases de son premier roman d'espionnage, il doit tenir compte d'une donnée essentielle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la planète vit sous une nouvelle menace, la guerre froide, selon l'expression inventée par l'écrivain George Orwell. Désormais, le monde va vivre sous une poudrière au gré des tensions entre le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis à sa tête, et le bloc de l'Est, mené par l'URSS. Et c'est dans ce contexte que s'inscriront toutes les aventures du futur James Bond. Ian Fleming mettra tout son savoir-faire d'ex-espion au service d'histoires qui auront pour toile de fond cette guerre larvée qui menace la planète tout entière. Mais contrairement à ce que l'on a pu dire au sujet de James Bond, ses adversaires ne sont pas réduits aux seuls ennemis traditionnels du monde libre que représentent les organisations secrètes de l'URSS, que ce soit le KGB ou avant le NKVD, non. Non, les rivaux véritables de 007 sont les dissidents de l'URSS, des militaires fanatiques ou des tyrans cruels, à telle enseigne que dans Octopussy, Bond fera même alliance avec le KGB. Et les ennemis de James sont parfois indéfinissables. D'où l'appartenance de plusieurs des adversaires de 007 à une organisation mystérieuse et indéfinissable, le Spectre. Littéralement, service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, la rétorsion et l'extorsion. Que dirige l'impitoyable Ernst Stavro Blofeld? Of them went to a heavenly spot. The seventh one is going to a place where it's terribly hot. The formula is C with a 007. He's got a redhead in his arm. Oh, he's a lover. When you are in trouble, have no fear. Run with gun and knife. We're fighting for our life. Have no fear, Bond is here. He's gonna save the world at Casino Royale. He's got a redhead in his arm. Oh, he's a lover. When you are in trouble, have no fear. Look who's here. James Bond. They've got us on the run with gun and knife. We're fighting for our lives. He's gonna save the world at Casino Royale. James Bond is here. Sir Harry. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Quelques semaines, Fleming écrit la toute première aventure de 007, Casino Royale, qui paraît en 1953. Au fait, pourquoi 007? Eh bien, le premier 0 signifie qu'il a l'autorisation de tuer, le second qu'il a déjà tué, et le 7 signifie qu'il est le 7e agent à recevoir cette autorisation. Le roman va assez vite rencontrer son public. Les premiers 5000 exemplaires sont écoulés dans le mois. Et ce succès, très correct, va faire boule de neige. Il faut très peu de temps aux premières aventures de James Bond pour devenir un véritable phénomène littéraire. La réussite est telle que 3 tirages sont nécessaires pour faire face à la demande. Il faut dire que dans Casino Royale, tous les ingrédients de ce qui va faire le succès de la saga sont déjà réunis avec leur lot d'invraisemblances, de fantaisies, de violences, de relations sulfureuses et de flirts insolents. Et Bond y déploie toute une panoplie de gadgets, à commencer par son véhicule fétiche, l'Aston Martin DBS à l'épreuve des balles. Il y déguste sa boisson fétiche, la vodka martini, shaked, not stirred, c'est-à-dire secouée, mais pas à la cuillère. En quelques chapitres exécutés à la mitraillette, Fleming est tout sauf un styliste littéraire. Le personnage est campé, et son univers délimité. Pour l'auteur, interviewé par la télé anglaise, 007 est avant tout un héros romantique. Je pense en effet que James Bond est un personnage romantique. Et la façon dont il traite les femmes dans mes livres montre à quel point il leur voue une grande affection. Fleming prend des risques en s'éloignant des formules classiques, mais il tient à s'amuser. On est loin de l'univers des grands de l'espionnage contemporain, qu'il s'agisse de Graham Greene ou d'Eric Ambler, avec le héros plus sérieux, plus complexe, qui vivent des aventures auxquelles on peut facilement s'identifier. D'ailleurs, si l'univers de James Bond a ses amateurs, il a aussi ses détracteurs. Dans un entretien qu'il accordera à la BBC en 1966, John le Carré, le maître du roman d'espionnage, n'est pas tendre. I'm not sure that Bond is a spy. Je ne suis pas sûr qu'il soit un espion. Je pense que c'est une grande erreur, quand on parle de roman d'espionnage, d'inclure Bond dans cette catégorie. Il me semble qu'il s'agit davantage d'une sorte de gangster international avec, comme il est dit, un permis de tuer. Cet homme est dégagé de tout contexte politique. Bond se moque, par exemple, de savoir qui est président des États-Unis ou de l'URSS. Le Carré reviendra sur cette déclaration tout de même dans une interview au magazine Radio Times, c'était en août 2010. Aujourd'hui, je serai nettement plus clément. J'imagine que nous avons un peu perdu de vue les romans au profit des films, n'est-ce pas? Aux origines de Bond, il y avait quelque chose de néo-fasciste et totalement matérialiste. On a le sentiment qu'il aurait pu accomplir les mêmes pitreries pour n'importe quel pays, du moment que les filles y auraient été aussi jolies et les martinis aussi savoureux. De toute façon, Fleming se moque des critiques. Ce qu'il veut, c'est écrire des romans populaires. Et son style doit plus à la littérature hard-boiled, ces romans policiers des années 30 qui mettaient en scène des détectives privés plutôt bad boy, faisant le coup de poing, buvant de l'alcool et maltraitant les femmes. Fleming croit savoir ce que le public réclame. De l'action, du suspense et un peu de sexe. James Bond arrive donc à point nommé. Ce ne sera pas un espion à l'ancienne, mais un homme d'action, moderne, qui ne se pose pas trop de questions. Fleming ne fait rien d'autre que répondre à la demande du public qui, en ce début des années 50, ne jure que par ce qui vient de l'autre côté de l'Atlantique, le cinéma, la musique, les hot dogs et les blue jeans. Après la guerre, le lecteur veut s'évader en quête d'aventure et d'exotisme. Et James Bond, qui évolue dans des lieux où règne la plupart du temps le luxe et la volupté, avec champagne et mets raffinés, incarne le consumérisme occidental propre à fasciner les lecteurs. Rien, n'arrête Fleming, comme en atteste cette déclaration qui la scène. Cela m'amuse d'avoir un méchant avec une grosse tête difforme, alors que, comme vous le savez, ce sont généralement eux aussi des gens d'apparence insignifiante. Ian Fleming écrira 12 romans et 2 recueils de nouvelles avec James Bond pour héros. Un roman et un recueil seront publiés à titre posthume après la mort de l'écrivain en 1964. Si le succès colossal en Grande-Bretagne et aussi en Europe, il tarde à se manifester aux États-Unis. Il faut attendre que John Kennedy réponde à l'interview du magazine Life et cite « Bon baiser de Russie » comme l'un de ses 10 livres cultes pour que les ventes décollent de façon fulgurante outre-Atlantique. Au final, les romans mettant en scène James Bond seront vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. À l'aube des années 60, le cinéma décide de s'intéresser au personnage et de le porter à l'écran. Deux producteurs visionnaires, Harry Saltzman et Albert Broccoli, flairent la bonne affaire et lancent sur les rails James Bond contre le docteur No. Pas moins de 600 candidats sont auditionnés, dont des pointures comme James Mason ou Cary Grant. Mais c'est Sean Connery qui décroche la tabale, les producteurs ne pouvant pas se payer une star. Connery a d'abord été maître nageur, maçon, routier, avant de devenir acteur. Il a joué dans une dizaine de films, mais c'est encore un inconnu. Et de prime abord, il ne recueille pas les suffrages de Fleming, qui déclare « Il ne ressemble pas à l'idée que je me faisais de James Bond. Je recherche le capitaine de frégate, Bond, pas un cascadeur qui a trop vite grandi. Je ne le trouve pas très raffiné, et son accent écossais est trop prononcé. » L'auteur changera d'avis, forcément, lors de la première, qui fut triomphale. Pour un film produit par un budget relativement modeste d'un peu plus $1 million et qui rapportera 60 millions de recettes mondiales. Comme quoi le choix de Sean Connery n'était pas une si mauvaise idée. premier 007 à être adapté à l'écran, James Bond contre Dr. No est un cas d'école. D'abord, parce qu'il permet de donner un visage au héros tombeur de ces dames, dandy, habile de ses mains en toutes circonstances, qu'il s'agisse de s'adonner au plaisir charnel ou de castagner plusieurs assaillants à la fois, mais aussi et surtout parce qu'il offre un écho surprenant à la toile de fond rituelle de toutes les premières aventures de James Bond, à savoir la guerre froide. Le hasard fait qu'au moment de la sortie du film, le Kremlin ordonne l'envoi de 7 sous-marins soviétiques armés de torpilles et de lanceurs de missiles nucléaires en direction de Cuba. Un navire américain repère le déplacement de l'un des sous-marins d'attaque et transmet son signalement au commandement de l'US Navy. Washington passe en état d'alerte. Quelques jours plus tard, des photographies aériennes prises par un avion espion américain confirment la crainte du Pentagone. Les soviétiques sont en train d'installer une base de lancement de fusées à tête nucléaire sur l'île de Cuba, à portée immédiate de la Floride, en direction de Miami et des grandes métropoles américaines. Et pendant ce temps, sur les écrans, James Bond contre Dr. No raconte que, par crainte de la destruction ou du détournement de leurs missiles, les services secrets américains confient à leurs homologues britanniques la mission de protéger le décollage des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride. Et c'est à 007 qu'incombera la mission de se rendre en Jamaïque, donc au sud de Cuba, pour déjouer toute menace. Les Russes auraient-ils installé des bases de fusées non plus à courte portée comme ils l'ont déjà fait, mais à très longue portée qui menacerait la sécurité interaméricaine? Auraient-ils, comme le bruit en courait, livré aux Cubains 10 avions Ilyushin 28, bombardiers biréacteurs d'un rayon d'action de 1500 à 2000 km? Des sous-marins russes seraient-ils arrivés à Cuba? De toute évidence, quoi qu'il en soit, quelque chose se prépare dans la mer des Caraïbes. Bref, le personnage de James Bond naît au cinéma pendant que le monde entier tremble et retient son souffle. Alors que 007 découvre le projet de folie nucléaire destructrice du Dr. No, le risque de guerre nucléaire à l'échelle planétaire est réel et imminent. Car pour Nikita Khrouchtchev, qui préside aux destinées de l'URSS, les Américains sont responsables de l'aggravation de la tension de la guerre froide. Et les manœuvres soviétiques en mer des Caraïbes ne font que répondre à la menace déployée par les États-Unis en Europe. Ceux-ci ont en effet installé 15 fusées nucléaires en direction de la Russie et de ses alliés. Voilà comment on se retrouve à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale. Ce moment paroxystique de la guerre froide sera surnommé la crise des missiles de Cuba. Dans la fiction, James Bond incarne le retour en grâce des Anglais qui, suite à la démission de Churchill en 1955, ont vu leur influence géopolitique perdre du terrain. Devenu rapidement un héros populaire, 007 incarne le sursaut de réaction qui contrebalance le déclin progressif de la puissance britannique. Et pour sa part, Ian Fleming ne goûtera pas longtemps le succès cinématographique du héros qu'il a créé. Il ne verra même pas le deuxième épisode de Bon Baiser de Russie. Ian Fleming n'est plus le créateur de James Bond, l'agent secret britannique désormais célèbre dans le monde entier, est mort aujourd'hui à l'hôpital de Canterbury à la suite d'une attaque cardiaque qu'il avait terrassée hier soir alors qu'il était en vacances en Grande-Bretagne. Ian Fleming, l'un des auteurs les plus fameux de romans d'espionnage d'outre-Manche, était âgé de 56 ans. Underneath the mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me make bululup soon. Underneath the moonlit sky, me honey and I come sit hand in hand. Underneath the moonlit sky, me honey and I come make fairyland. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get Maori, we make them grow, and 9 little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, and nine little child in a row. Underneath the mango tree, me honey and me come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, notre ami James Bond, dont nous allons parler avec un spécialiste, Christian Destremau. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier une biographie de Ian Fleming. Alors, c'est formidable. Certains ont qualifié la littérature de Ian Fleming de roman de gare. Et puis, c'est vrai que c'était pas forcément un esthète littéraire, mais son écriture était efficace. Est-ce que vous diriez, vous aussi, roman de gare? Bah écoutez, lui-même n'aurait pas pris ça du tout mal, parce que lui-même se qualifiait de, disait de ses livres que c'était pour des gens qui prenaient le train. Et il voyait ses livres lus par des la classe moyenne britannique, se rendant au travail le matin, rentrant le soir chez eux en banlieue. Cette classe moyenne des années 50, hein, qui découvre un peu les pavillons, et lisant dans ce qui était une nouveauté, c'est-à-dire le livre de poche, le livre qu'on transportait facilement, lisant ses livres, ça lui convenait tout à fait. Alors, après plusieurs livres, c'est quelqu'un qui avait aussi une certaine ambition littéraire. De temps en temps, il dit je vais faire un grand livre. Et voilà. Et il avait confiance en ses talents. Beaucoup de ses amis se fichaient un peu de lui, notamment encouragé par sa femme qui trouvait ses bouquins totalement ridicules, mais lui-même pensait qu'il était un bon auteur, voilà. Et puis à la fin, il a fait le bilan, il s'est dit bon, j'ai fait des bons livres, je suis un bon artisan, mais c'est pas extraordinaire. Et puis finalement, quand on lit tout ça, quand on relit ça, je dois le dire, surtout en anglais. Parce que les traductions françaises sont parfois grotesques. Ah, carrément. Oui, carrément grotesques. Les traductions des années 50 et notamment les titres. Enfin, et puis il y a des passages entiers qui sautent. Enfin, c'est prodigieux. Et l'ensemble est quand même a une certaine tenue finalement. Et le personnage de Bond est quand même plus complexe que ce qu'on dit en général. Alors, on a coutume de dire, on a entendu John le Carré, c'était intéressant ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le récit. Alors on dit James Bond, c'est pas vraiment dans la guerre froide, c'est pas vraiment l'espionnage. Et Carré disait, c'est un gangster international qui n'obéit à personne finalement, qui est un électron complètement libre. Il est pas politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je suis assez d'accord, évidemment, avec tout le respect qu'on doit à John le Carré. D'abord, soyons précis, James Bond n'est pas proprement parlé un espion. C'est un homme d'action, c'est un tueur, mais ce n'est pas quelqu'un qui fait de l'espionnage à proprement parler. Bien sûr, bien sûr. Deuxièmement, effectivement, il ne défend. Il n'y a rien d'idéologique dans les romans, et non plus dans les films. On ne parle pas de démocratie, on ne parle pas de. Alors, James Bond, les choses sont claires. On défend la reine, le Royaume-Uni, l'alliance avec les États-Unis, c'est très important. Et puis surtout, ce qui préoccupe beaucoup Fleming, c'est un mode de vie. C'est-à-dire, c'est un mode de vie qui est une sorte d'alliance entre le mode de vie britannique, les clubs britanniques, et puis la société de consommation américaine. Voilà un peu l'idéal de Fleming. C'est à la fois la vie des clubs où on est dans des fauteuils en cuir bien profonds avec les gens qu'on connaît, très rassurants, tout ça. Et puis quand même la société de consommation américaine, les gadgets, l'air conditionné, la bonne nourriture et les cocktails. Voilà. Et les femmes. Et les femmes. Bon. Et les femmes. Ah oui, bah, ça tient. C'est un peu dans cet ordre-là. Mais bon. Les femmes tiennent un rôle important dans le personnage James Bond. doit plaire à toutes les femmes. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a des invraisemblances. C'est-à-dire qu'il a une vie qui est complètement stressante, mais alors il est plus décontracté que vous et moi. C'est incroyable. Les femmes, il n'y en a pas une qui résiste, hein. Il est toujours beau. Et ça marche sur des gens de 7 à 77 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que cette espèce de naïveté comme ça fonctionne chez tout le monde? Ça marche. Bon, à l'époque, ça a marché parce que ça, c'est des années 50, une espèce de formidable libération. C'est l'époque de Playboy, c'est l'époque des grandes actrices et de Marilyn Monroe. Donc, ça correspond à une époque. Et puis, ça a été relayé par les films. Enfin, évidemment, on ne peut même pas lire aujourd'hui Dr. No sans penser à Ursula Andress. Enfin, c'est impossible. Bon. Ça a marché après des... Je crois que c'est une période de libération, en fait, qui correspond aux années 50, 60. Et Fleming a très bien senti ça, parce que c'est quelqu'un qui a un sens de la publicité. Il comprend très bien l'air du temps. Enfin, ouais. Il a bien compris ce qui marchait, et que cet aspect-là, dans une société qui avait vécu de manière un peu contrainte, en fait, voilà, ça correspondait à cette espèce de grande libération des années 50. Quant aux personnages et au profil des personnages, alors évidemment, c'est manichéen. Il y a les bons et les méchants, parce que si on est entre deux, comme dans la vie réelle, c'est pas drôle, parce que la vie réelle, c'est souvent gris clair, jamais noir ou blanc. Là, il y a donc les bons et les méchants. Les bons, on voit. Alors, la figure du méchant chez James Bond, elle est intéressante, parce que le méchant, c'est souvent un dictateur, mais encore plus dictateur que les dictateurs qu'on a connus. C'est cette volonté de faire du méchant une sorte de dictateur. Oui, alors le méchant, parce que Fleming a lu... Et quand il était petit, il a lu, il a baigné dans une littérature qui est une littérature des débuts du 20e siècle où il y a effectivement les bons et les méchants dans les romans d'aventure, dans les Fu Manchu, dans toute cette littérature-là. Il a vécu, c'était ça, quand il était petit garçon, c'était la grande moment de liberté. Le soir, quand on est au collège anglais, eh bien, on lit ces romans d'aventure. Donc, il a toujours eu ce sens des méchants. Alors, je parle pas de Peter Pan et Capitaine Crochet. C'est un peu, pour moi, les méchants de James Bond, ils viennent de cette filière-là. Mmh. Et alors là, il les a adaptés dans un monde moderne. De temps en temps, c'est assez invraisemblable, il faut dire que ça paraît totalement invraisemblable. Et puis aujourd'hui, quand on regarde le monde, ce n'est pas si invraisemblable que ça. hélas, parfois. Hélas. Bon, on va continuer à parler de James Bond et ce qu'il y a derrière, après avoir regardé Zino. What's your name? How the hell do we get those diamonds down again? Son nom est Bond, hein. Il l'a dit 10 fois. Elle est pas mal, cela dit, Christian Destrudeau, cette version. Alors, on aurait pu passer évidemment parmi les grandes musiques qui ont illustré James Bond, Live and Let Die de Paul McCartney, mais comme le présentateur de cette émission est un peu obsessionnel, bitolo obsessionnel, on n'en a pas rajouté. On a mis cette version qui est pas mal non plus. Est-ce qu'on peut voir James Bond comme un pur produit du capitalisme occidental? Non, moi je pense que c'est un mode de vie. C'est la société de consommation. Ah oui, c'est le capitalisme, comme c'est pas. C'est le capitalisme d'une certaine façon, mais c'est pas quelque chose de structuré, si vous voulez. Comme disait Le Carré, Ian Fleming, qui aimait bien les Russes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je pense qu'il aurait, si les Russes avaient un mode de vie et avaient le même niveau de la société de consommation que les Américains, il aurait peut-être défendu plutôt les Russes que les États-Unis ou l'Angleterre. La chose la plus importante, c'est quand même un mode de vie. Bon, alors, d'ailleurs, est-ce qu'on voyait les films de James Bond en URSS et dans les pays de l'Est? Alors ça, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. On peut se poser la question. Parce que... les services de renseignement soviétiques les ont certainement regardés, c'est clair. Ouais. Ils ont suivi ça de très près. Est-ce qu'ils étaient diffusés? Cela m'étonnerait beaucoup. Et moi aussi. Pendant longtemps, Bond a donc été un produit de la guerre froide. Enfin, indirectement, il l'était quand même. Puis le mur de Berlin est tombé, le communisme a disparu, en tout cas au pouvoir dans les pays du monde, à quelques exceptions près. Et les ennemis de James Bond ont changé, évidemment. Qui sont-ils aujourd'hui? Est-ce que le profil du méchant a changé? Bah écoutez, non, moi je trouve que le profil du méchant n'a pas tellement changé. Alors, durant la guerre froide, enfin dans les romans, donc les méchants, c'est rarement directement les soviétiques eux-mêmes ou les pays de l'Est. Ce sont des supplétifs en fait, des gens qui sont au service de l'Union soviétique, qui sont utilisés par les services secrets soviétiques, mais c'est rarement les soviétiques eux-mêmes. En fait, cette affaire continue. Alors, on est passé par Le Carré, qui nous a montré un affrontement beaucoup plus direct avec l'Union soviétique. Mais Le Carré, on sent un peu de mal avec ces personnages de dictateurs un peu fous. C'est pas son domaine. Alors que Fleming est très à l'aise avec le dictateur fou, celui. Carré est plus ancré dans la réalité documentaire, c'est ça? Il est rentré. Et puis dans la complexité. C'est-à-dire que la folie, Le Carré n'est pas dans la folie. Non, c'est alors vrai. Que Fleming est parfaitement dans la folie. Et c'est une folie qui ne lui fait pas peur, hein. Le dictateur fou, c'est un personnage, qu'il est parfaitement capable de d'écrire. Et c'est un personnage pour ses romans. Et aujourd'hui, on les retrouve, ces dictateurs fous et ces personnages un peu extraordinaires qui sont au pouvoir. Alors, il y a évolution de la société. Il se trouve que James Bond est un héros très macho quand même. Et à l'heure de Me Too, la libération de la parole et du regard qu'on pose sur les femmes, qui s'est bien amélioré. Il reste à faire, ça s'est amélioré. Le regard que pose James Bond sur les femmes, il n'est pas, de ce point de vue-là, dans le vent de l'histoire. Hein. Est-ce qu'il ne serait pas un petit peu décalé? Il est totalement macho. Il est totalement macho. Fleming le dit lui-même. Fleming a l'impression de lutter contre une évolution qu'il craint, qui est l'évolution vers plus de féminisme. Et déjà, dans les années 50, il a l'impression que c'est en train d'arriver. Et alors, il en rajoute une couche en faisant de Bond un personnage particulièrement macho. Mais malgré tout, Bond, dans un des romans au service secret de Sa Majesté, finit par se marier. Et il se marie avec le personnage féminin le plus compliqué, le plus intéressant, le moins James Bond girl toute la série. Et ça, c'est intéressant. Oui. Alors, elle meurt. C'est un personnage assez extraordinaire, Tracy, qui a une profondeur, une ampleur, et qui a vécu des drames dans sa jeunesse. Et Bond, c'est la femme qu'il épouse. Donc, c'est pas si simple. Il y a un message là quand même. Hein. Ouais. J'imagine que c'est pas du hasard, c'est réfléchi. Ouais. Il lance quelque chose. Pourquoi vous êtes-vous penché sur la vie de Ian Fleming, sa vie, son œuvre, au point d'en écrire une biographie? Quand on écrit une biographie, c'est un vrai investissement personnel. On passe sa vie, un bout de sa vie, un fragment de sa vie, avec son sujet. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Qu'est-ce qui vous a poussé? Moi, ce qui m'intéressait, alors, c'est le rôle, plus généralement, si vous voulez, en dehors de sa vie elle-même, qui est très intéressante, mais bon, il y a des biographies peut-être plus passionnantes que celle de Ian Fleming. Mais ce qui m'intéressait, c'était l'interaction avec la société britannique, et puis le rôle que finalement, par sa volonté, en créant un personnage, le rôle qu'il a joué dans les relations internationales, qui ne doit pas être sous-estimé. C'est-à-dire que dans la guerre froide, et même encore aujourd'hui, il a créé un personnage qui a un rôle, qui a une force, qui représente une puissance, c'est ce qu'on appelle en anglais la soft power, c'est-à-dire cette puissance qui n'est pas militaire, mais qui est une puissance intellectuelle, en fait, culturelle. Cette puissance culturelle, elle est extrêmement forte aujourd'hui. Et moi, je dis que l'Angleterre ou le Royaume-Uni, pendant très longtemps, a vécu en grande partie grâce à la monarchie, les Beatles et James Bond. C'est ce trio puissance extraordinaire qui continue à fonctionner. J'ajouterais Charlie Chaplin. Oui, enfin Charlie Chaplin mais s'il vit 20 ans aux États-Unis, dont il est expulsé d'ailleurs, il revient en Europe, et il vient d'Europe, il vient d'Angleterre. Enfin, mais c'est vrai qu'il est plus accolé à la culture américaine, je suis d'accord. Vous avez j'imagine, on a tous un petit préféré par rapport aux acteurs qui ont interprété James Bond. Tout le monde ne vaut pas tout le monde. Original, donc. On a le droit d'avoir ses préférences. Allez-y. Sean Connery, bien sûr. Pourquoi? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il incarne mieux que les autres? Écoutez, il incarne très très bien. En fait, il incarne très bien le personnage. Contrairement à ce que dit Fleming, il représente très bien ce qu'est le personnage des romans. Parfaitement. Il y a eu dans les années 50 d'ailleurs une petite bande dessinée qui est parue et vous savez ces petites bandes dessinées qu'il y avait dans les journaux, dans les quotidiens où il y avait généralement trois ou quatre dialogues comme ça, et le James Bond de la bande dessinée physiquement c'est exactement Sean Connery. Ouais. Il correspond très bien au personnage, ténébreux, assez avec une vraie profondeur, assez complexe. Et Fleming, d'ailleurs, au début, était parti sur des pistes tout à fait étonnantes. Enfin, il parlait de David Niven, qui a effectivement incarné James Bond dans le Casino Royale, qui était une sorte de parodie, en fait. Mais David Niven, non, ce n'est absolument pas. Il c'est plus un comique, David Niven. David Niven a joué des personnages d'espions. Mais il a un visage qui peut faire rire. Un visage qui peut faire rire. Alors, il correspond plus à l'espion anglais, effectivement. Complètement. Classique. Nonchalant. Or, James Bond, c'est un espion du style américain, en fait. C'est un homme d'action. Espion, encore une fois, est peut-être erroné. Mais agent secret, on va dire. Agent secret. Et l'art de Fleming, c'est de mettre, c'est cette synthèse entre le personnage un peu américain et quand même au service de Sa Majesté et le milieu anglais. Et Roger Moore fait pas l'affaire, quand même. Non. Trop ironique, trop dans l'humour. Ah, d'accord. Et les autres, ceux d'aujourd'hui? Qui était un Australien, qui s'appelait Lazenby, qui correspondait assez bien au personnage. Bon, moi, je trouve que l'actuel est bien, sauf un élément important qui est son physique, qui ne correspond pas. Mais il est bien, il est Pourquoi bien. Pourquoi il y a un physique qui correspond après tout à un personnage? Parce que Bond, quand même, est décrit physiquement dans les romans, si vous voulez. Donc il faut un minimum de fidélité, quoi, pour vous. Oui, enfin moi oui, parce que j'ai beaucoup aimé les romans quand même, et je suis parti de là pour écrire. Je comprends, bien sûr. Donc Ian Fleming, un personnage à découvrir. C'est vrai que sa vie est intéressante. Vous l'avez écrite, Christian Destremo. Merci pour tous vos éclairages, votre connaissance sur le sujet et sur le monsieur. Au revoir. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui donc. James Bond, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission et, si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Guillaume Roux.